Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française dirigé par Emmanuel Ratier. Émission préenregistrée les 24 et 25 juin 2014. Elle est diffusée mercredi 20 août 2014 de 18h à 21h, jeudi 21 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Chers amis, nous nous retrouvons donc après la coupure technique pour la seconde partie de ce libre journal de la résistance française de Radio Courtoisie. Comme vous le savez, nous sommes au cœur de l'été et cette émission donc a été préenregistrée. Donc vous n'aurez pas l'occasion et la possibilité d'envoyer des messages ou de poser des questions en appelant le standard téléphonique de Radio Courtoisie. Donc après cette première partie consacrée au 20 août 1944, c'est-à-dire un épisode de l'histoire de la France qui s'est déroulée il y a 70 ans, on va également demeurer dans l'histoire, mais une histoire beaucoup plus à la fois l'histoire, enfin nettement plus contemporaine. Donc j'ai le plaisir de recevoir Laurent Guyenot qui vient de publier aux éditions Blanche un ouvrage absolument passionnant sur l'état profond américain. On en parlera tout à l'heure, parce que Laurent Guyenot me disait « plus je recherche, plus j'ai de mal à m'y retrouver dedans ». Mais c'est normal, puisque le chaos est organisé par les États, donc on a des difficultés à s'y retrouver. Donc Laurent Guyenot a publié chez Blanche un ouvrage qui s'appelle « JFK », dont c'est John Fitzgerald Kennedy, 11 septembre, 50 ans de manipulation. Donc, Laurent Guyenot, qui a l'avantage d'être professeur d'anglais, donc de parler absolument couramment l'anglais, hein, a donc un accès direct avec les sources essentiellement américaines à propos de l'assassinat de John Kennedy et celle du 11 septembre. Il a beaucoup de mérite parce qu'il est professeur dans un lycée, alors qu'il est ingénieur de l'École nationale supérieure de techniques avancées. Il est également docteur en histoire médiévale. C'est ça. C'est ça ? Oui, oui. À la Sorbonne. Voilà. Donc, vous aviez publié deux ouvrages précédemment, un chez Gallimard et un chez Honoré Champion. Enfin, c'est les éditions Champion, c'est Honoré Champion. Oui, bon. C'est ça. Ouais, voilà, bon. La mort féerique et l'autre qui est la lance qui saigne. Et là, vous vous lancez, je vais vous dire, bienvenue dans le club des maudits. Oui. Parce que vous vous lancez dans quelque chose qui est détesté par les universitaires. Oui, on pourrait dire par l'intelligence médiatique, quoi, qui est, je dis toujours entre guillemets, le conspirationnisme. Oui, oui. Mais c'est moi, je ne fais pas partie de l'intelligence, donc ça ne me pose pas de problème. Voilà. Donc, comment ça vous est venu pour vous interroger à la fois sur l'assassinat, donc le complot pour l'assassinat du président américain et le complot et les manipulations? C'est peut-être d'ailleurs plus intéressant de parler de manipulation que de complot. Oui, oui, oui, tout à fait, oui. Oui. Comment ça m'est venu? Ben, écoutez, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici. Ben, c'est normal, parce que le livre, on ne peut pas dire que vous ayez eu beaucoup de publicité. Non, dans ce qu'on appelle les gros ou les grands médias. Non. Bon, non, mais c'est un ouvrage qui a été très relayé sur Internet, avec des ventes importantes. Oui. Et on se rend compte que c'est vrai que c'est bien de passer dans une grande émission de télévision. Comme maintenant, il y a des médias quand même alternatifs, des relais qui n'existaient pas il y a 20 ans. Oui. Et donc votre ouvrage est un ouvrage en ce moment dont on parle beaucoup, quoi, sur Internet. Oui, oui, petit peu. Et puis même avant que je l'écrive, j'avais écrit quelques articles en anglais, en français. C'était aussi, avant de rassembler tout ça dans un livre, j'avais publié un peu sur Internet des articles qui ont été appréciés, qui m'ont permis aussi d'avoir du feedback. Donc, mais c'est vrai que Les gens un petit peu informés sur la recherche sur Kennedy et sur le 11 septembre ont bien compris depuis longtemps que ce n'est pas la peine de chercher des informations à la télévision. Et même dans les livres grand public, chez les grands éditeurs, tout se passe sur Internet. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y a des choses extrêmement sérieuses sur Internet. Il y a des sites animés par des chercheurs qui passent leur vie depuis 40 ans à essayer d'éplucher les archives, d'interviewer des témoins. Donc il y a une recherche extrêmement sérieuse et qui, comme vous dites, est relativement peu accessible aux non-anglophones, parce que c'est quand même aux États-Unis que ça se passe beaucoup. Et donc moi, j'ai effectivement, à partir d'un certain moment, je me suis dit, il faut que je contribue à cette recherche. En tant que prof d'anglais, je vais essayer de rendre accessible au public francophone les informations que j'ai pu assimiler, trier, synthétiser. Voilà, j'ai appris à écrire en parlant sur le Moyen-Âge, donc j'ai décidé de consacrer un peu cette aptitude que j'ai développée à un autre sujet. Alors comment ça vous est venu quand même, autant le 11 septembre, c'est un épisode, c'est le début du troisième millénaire de notre ère, donc c'est un épisode, c'est pas le, on pourrait dire le changement ne se fait pas en 2000, il se fait vraiment le 11 septembre 2001, l'événement peut-être le plus médiatisé au monde, avec ses images récurrentes, désormais mythologiques, qui reviennent. L'assassinat de Kennedy, a eu est important, on a un peu le... on a vu tout ce film, c'est Zapruder. Enfin, Abraham Zapruder. Donc, qui est l'espèce de thème qui revient dans différents films. Il n'y a pas que le film d'Oliver Stone, mais ça revient dans toutes sortes de genres. C'est une espèce d'image récurrente avec ce président brillant, dont le corps part dans tous les sens, etc. Ouais. C'est le culte de l'image, si vous avez dû regarder tout ça. Mais. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à John Kennedy ? Alors, je me suis intéressé d'abord au 11 septembre. Ouais, et assez tardivement, par rapport à d'autres qui avaient senti quand même la manipulation bien avant. Je crois que c'est en 2009 que j'ai visionné quelques documentaires qui circulent sur Internet, qui ont été vus par des millions de gens, sans exagérer. Je pense des dizaines de millions. Oui. Donc moi, j'ai pas été très précoce. Jusqu'en 2009, j'adhérais à la thèse officielle. Et donc le choc a été terrible quand j'ai. Et c'est assez rapide. Je pense que quiconque se plonge dans ces documentaires qui contiennent des images qui infirme de manière catégorique la thèse officielle. Dès qu'on voit ça, si on est un peu curieux, on va creuser, on va explorer, on va vérifier, on va essayer de voir ce que disent les contradicteurs, et puis petit à petit, on se fait une idée. Et puis moi, ayant un tempérament un peu de chercheur, j'ai cherché, j'ai essayé de creuser le plus possible. Il y a une dimension technique, dans le 11 septembre, il faut essayer de comprendre, répondre à certaines questions techniques, comment c'est possible que la troisième tour, tour numéro 7, par exemple, s'effondre, c'est un des premiers éléments sur lesquels on... Mais il y en a beaucoup d'autres, donc il y a un aspect technique, il y a un aspect, on va dire, plus politique, où on essaye de comprendre qui est à l'origine de ça, quels sont les acteurs, et puis il y a forcément une piste historique, c'est-à-dire qu'on est amené à s'interroger sur comment on en est arrivé là, et donc à l'histoire profonde des États-Unis, et on arrive forcément sur Kennedy. Donc je me suis intéressé à Kennedy un petit peu en deuxième temps, et j'ai été très ému par tout ce que j'ai lu sur Kennedy. J'ai découvert Kennedy, et alors à la fois le personnage qui est quand même assez fascinant, son histoire, il y a une dimension tragique, même mythique, puisque quand on explore la vie de Kennedy, c'est les transformations qu'il a vécues en très peu de temps, la vision qu'il a développée du désarmement mondial. Quand on explore son combat avec la CIA, c'est à la fois fascinant, bouleversant. Moi, ça m'a touché profondément. Et puis j'ai essayé de comprendre le lien entre tout ça, comment on passe de Kennedy, parce que Kennedy, c'est quand même un point de départ. Dans comment dire, la manipulation, hein, dans ces 50 ans de manipulation. Ouais. Puisque... On pourrait dire que c'est le premier, effectivement, on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est le premier grand complot moderne aux États-Unis, hein, oui. Qui se passe avec des intérêts divers, hein, c'est ça la difficulté. Ouais. Qui forcément se connaissent, enfin qui nécessairement ne se connaissent pas. Je trouve que bon, vous avez évidemment vu le film d'Oliver Stone. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il pose les bonnes questions, quoi. Parce qu'il montre que les intérêts sont. Bon, c'est un peu roman, etc. Mais il y a quand même une trame historique assez remarquable. Ouais. Et on se rend compte qu'aux États-Unis, il y a des gens qui vont très loin dans la recherche. Dans la recherche de la vérité, et qu'en réalité, il y a la parole américaine n'est pas unique. Oui, oui, absolument. Hein? Ben, y a la communauté des chercheurs sur Kennedy est extrêmement vaste, diversifiée, et avec des gens très sérieux. Et en plus, il y a des progrès dans cette recherche, ne serait-ce que par la simple mécanique de la déclassification des archives. Là, 50 ans après... Hein, 50 ans après un événement, on commence à y voir un peu plus clair dans les archives. Donc là, on est effectivement à une période où, depuis 10 ans, il y a beaucoup d'avancées dans la recherche. On y voit plus clair. Oui, parce que c'est, moi, j'ai un certain nombre de livres sur la question. C'est un sujet que je suivais. Bon, je ne vais pas dire qu'on piétinait, mais enfin, bon, là, effectivement, il y a des choses nouvelles qui sont sorties. Oui. Le fait, ne serait-ce qu'il y ait la communauté d'Internet... Je pense a énormément permis absolument, à des gens de se rencontrer alors que jusque-là ils travaillaient dans leur coin. Ouais, pour l'affaire du 11 septembre, c'est absolument tout évident. Fait, quoi. Ouais, ouais. Il n'y aurait pas eu Internet au moment de l'affaire du 11 septembre, on en serait au même point qu'avec Kennedy. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, tout à fait. Mais je pense que il me semble qu'en 2001, il y avait Internet, mais il n'y avait pas encore YouTube, il me semble. Et ce qui est très intéressant, c'est que je pense que s'il n'y avait pas YouTube après, qui aurait permis de stocker toutes les vidéos qui sont les éléments de preuve et principaux, hein, et je pense que les gens qui ont orchestré le 11 septembre n'avaient peut-être pas anticipé la puissance de ces images qu'ils ont pu éliminer des grands médias, mais qu'ils n'ont pas pu éliminer du réseau Internet. Hein, et enfin, donc, c'est quand même extraordinaire, je vous assure, ce qui a disparu à propos du 11 septembre. Quoi. Oui. Moi, avec un groupe d'amis, dès le 11 septembre, on a commencé à enregistrer des choses. On en a fait 27 CD-ROM. Ah oui. Et la quasi-totalité. Et je dirais que sur les 27 CD-ROM, 26,5 ont disparu en matière de données. Ah oui. Ah oui. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez le. On avait enregistré le fameux, j'ai plus le nom en tête, mais l'entreprise israélienne qui était à l'intérieur. Du World Trade Center et qui a déclaré le lendemain que ses employés ne s'étaient pas déplacés parce qu'ils avaient été prévenus qu'il y aurait des problèmes ce jour-là. Ouais. Et ils l'ont même publié sur leur site. D'accord. Si vous voulez, ils ont dit oui, on ne sait pas d'où ça vient, mais on nous a prévenus, donc on n'était pas là. Ouais. Et évidemment, tous ces panneaux, toutes ces informations ont disparu. Il y avait les informations, par exemple, sur. Ils avaient mis en ligne la reconnaissance des corps des passagers de l'avion qui est censé s'être écrasé au Pentagone. Mmh. Bon, les corps ont été examinés dans un laboratoire militaire américain qui se trouvait juste à côté du Potomac, là, enfin, pas loin du tout de Washington. Et laboratoire militaire, et dans lequel ils expliquaient, alors ils donnaient force de détail, la liste intégrale, etc. Ils précisaient bien que tous les gens avaient été identifiés, par exemple, par l'ADN, et qu'on n'avait pas eu besoin d'utiliser les radios de la dentition. Ouais. Oui, bon, tout ça a disparu. D'accord. Mais à l'époque, personne ne s'est posé de questions, alors que l'ADN disparaît à 115 degrés. Après, vous avez de la viande cuite, sans ADN. Donc, si vous voulez, il y a eu énormément de données qui étaient très gênantes. Ouais. Qui sont parus au moment. Ouais, ouais. C'est pour ça que je ne crois pas à une grande planification de cette opération. Ouais. Mais je crois plutôt à des complicités qui ont amené à tolérer un événement. Ouais. Même si, évidemment, au Pentagone, on en a rajouté. Ouais. Mais bon, je crois qu'on a été, à Radio Courtoisie, on a vraiment été une des seules, enfin peut-être l'unique radio, mais hormis deux ou trois exceptions. Bon, dès octobre, dès novembre 2001, on commençait... en tout cas, moi, je suis intervenu à la radio pour dire qu'il y avait une énorme manip autour du 11 septembre. Quoi. Ouais. Et donc, on arrivait aux mêmes conclusions que vous, évidemment. Mais un peu moins, un peu plus mais, tard. Mais ce qui est intéressant, bon, c'est que vous avez suivi ça de plus récemment. Ouais. Et donc, nous, ça nous intéresse. Enfin, si vous voulez, on l'a, avec des amis, nous l'avons suivi à l'époque. Oui. Je pense des gens comme Thierry Messant, etc. Mmh. On a suivi l'affaire à l'époque, mais après, on a laissé tomber, quoi. Ouais. Donc, on n'est pas au courant des nouvelles choses. Et je pense que des gens qui ont pu s'intéresser à l'assassinat de Kennedy, bon, par exemple, ont enquêté pendant 6 mois, voire 1 an, voire 10 ans, etc. Mais après, on ne peut pas consacrer sa vie à ça, quoi. Donc, c'est intéressant que vous ayez eu justement accès à des choses plus récentes, quoi. Oui, oui. Et puis, c'est vrai qu'on ne peut pas passer sa vie à s'intéresser au 11 septembre. Moi, j'ai passé 4 ans de ma vie. Je ne me vois pas y passer 40 ans. Donc, j'estime que mon parcours, il était finalement certainement assez classique. Hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, je découvre qu'on m'a menti pendant 10 ans. Je découvre que j'ai été d'une naïveté incroyable. Je me pose des tas de questions. Comment c'est possible? Donc, tout ça, ça m'a... Je ne pouvais plus m'intéresser au Moyen-Âge. Il fallait que je creuse cette histoire. Et je pense que beaucoup de gens en sont là. Peut-être que tout le monde n'a pas les moyens après, ne serait-ce que par la langue. Il faut un peu maîtriser l'anglais. Mais enfin, même en français, on a quand même pas mal de choses. Et j'espère que les gens qui se réveillent, alors plus le temps passe, plus c'est peut-être moins, ça paraît de plus en plus lointain, mais quand même, pour comprendre le monde dans lequel on vit, je pense que c'est le 11 septembre qui en donne la clé. Hein, si on comprend à quel point on nous ment aujourd'hui, parce que finalement, moi, au bout du compte, il y a des tas de questions qui se posent autour du 11 septembre, mais il y en a une sur laquelle on arrive tout le temps, c'est comment se fait-il que le monde médiatique dans son ensemble, hein, qui inclut le monde de l'édition, le monde de la presse, de la télé, continue à nous mentir, hein, à censurer tout questionnement qui menace la vérité officielle, et pas seulement sur le 11 septembre, sur Kennedy. Ça fait 50 ans que Kennedy a été assassiné, et on continue de voir pour l'anniversaire de Kennedy, on a eu des livres qui sont sortis. J'en ai pas vu un seul à part le mien qui questionne sérieusement la thèse officielle. Alors il y a des livres sur Kennedy et sa vie sexuelle, il y a des livres qui vont pointer du doigt la mafia sicilienne, pourquoi pas, ou d'autres pistes, mais il y a pas de livre sérieux qui arrive à franchir ce mur de censure qui est quand même extraordinaire. Mmh. Alors ce qui est intéressant justement, c'est bon, on va parler du contenu du livre, mais ce qui est intéressant, bon, c'est que vous avez vous êtes un historien diplômé, quoi. Vous avez tous les titres qu'il faut pour ça. Donc, vous êtes passé par un cursus universitaire classique. Moi, un double avec cursus. Avec des études, un type de recherche universitaire, etc. Et vous tombez dans cette affaire et vous vous rendez compte qu'en fait, en tant qu'historien professionnel, quoi, vous vous rendez compte que ça ne tient pas la route, quoi. Parce que, si vous voulez, moi, je suis journaliste. En tant qu'historien, c'est intéressant parce que en France, on donne une légitimité au diplôme, au titre, etc. C'est pour ça que je ne les renie pas, mais c'est-à-dire, c'est pas tellement en tant qu'historien, mais c'est en tant que personne qui est capable de raisonner à peu près correctement. La formation d'ingénieur que j'ai eue et la formation d'universitaire que j'ai eue plus tardivement par pur intérêt personnel m'a apporté, c'est vrai, une certaine rigueur dans la manière de chercher, d'explorer les causes, les conséquences de tout ça et d'éliminer ce qui n'est pas sérieux, etc., dans une certaine rigueur. C'est pour ça que je me suis senti un petit peu responsable de faire cet ouvrage. Il faut mettre ses compétences un peu au service de la vérité. Moi, c'est le seul intérêt de... être capable de raisonner, ça suppose une certaine responsabilité à parler vrai. Donc, on va démarrer donc sur Kennedy. Hein. D'accord. Bon, donc en fait, vous mettez, mais il y a d'autres. Vous, je dirais qu'en fait, dans votre livre, il y a aucune découverte. Non, j'ai quand même essayé de relier. Non, pas du tout critique. Ce que vous apportez au public français. Ouais. Donc Laurent Guyonneau. Donc je rappelle que vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Résistance française de Radio Courtoisie et que je reçois ce soir, mais en pré-enregistrement, Laurent Guyonneau, qui est docteur en histoire, ingénieur de l'École nationale supérieure de technique avancée, professeur d'anglais. Et qui vient de signer aux éditions Blanche, JFK, donc John Fitzgerald Kennedy, 11 septembre, 50 ans de manipulation. Donc, c'est pas du tout une critique, mais vous faites œuvre de, on pourrait dire, de traducteur, de collation, de synthèse, etc. Mais en tant que tel, vous n'avez pas enquêté sur le... On va pas dire enquêter sur le terrain, parce que et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est vous apporter toute une série de choses méconnues ou inconnues au lecteur français classique, en essayant de séparer le bon grain de l'ivraie, je pense. Voilà, hein. Et puis j'ai essayé de synthétiser aussi, puis de produire une narration qui se lit bien, qui permet de bien comprendre l'enchaînement des événements. On passe de Kennedy à Johnson, à Nixon, il y a des liens très, très importants entre ces époques. Donc j'ai essayé de synthétiser, j'ai apporté un éclairage, c'est un peu comme un puzzle, vous réunissez des pièces et puis vous essayez de les mettre pour que ça donne sens, voilà. Donc, mais c'est vrai que je ne suis pas un chercheur, j'ai pas été interviewé des témoins, j'ai pas épluché les archives, etc. J'ai repris les travaux des chercheurs terrain, en les traduisant, en les synthétisant. Bon, donc en fait, pour reprendre l'assassinat de Kennedy, c'est quelque chose qui tient pas la route, quoi. Officielle, c'est-à-dire le tueur unique, Harvey Oswald, champion du monde de tir. Les derniers sondages, je pense qu'environ 70% des Américains ne croient pas à la thèse officielle. Ça ne veut pas dire qu'ils ont les réponses aux questions qui se posent, mais enfin, disons qu'une majorité d'Américains aujourd'hui sait qu'on lui a menti. Alors certains, il faudrait voir dans le détail, probablement beaucoup s'imaginent qu'on leur a menti, mais pour leur bien, parce que peut-être que c'était un complot de Castro, il fallait éviter un incident qui aurait déclenché la... Bon, il y a des tas d'interprétations possibles, mais le fait, la thèse que Lee Harvey Oswald, tueur unique, avec 3 balles, dont une qui aurait causé 7 blessures, est l'unique coupable... bien qu'il ait eu le temps de dire j'ai rien fait, c'est pas moi, je ne suis qu'un pion, qu'un pigeon, I'm just a patsy, et puis il s'est fait abattre, donc réduit au silence 2 jours plus tard. Bon, peu de gens croient à cette thèse, et ceux qui la défendent, je doute qu'ils y croient vraiment. Je pense qu'ils la défendent pour d'autres raisons. Non, mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il y a une commission d'enquête, un rapport énorme, etc. Et il me semble que c'est dans le Nouvel Observateur, je crois, il y a quelques mois, où il y avait un grand article disant « oui, il n'y avait qu'un tueur ». Oui, alors ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'il y a la thèse officielle qui est la thèse officielle du gouvernement fédéral, mais il y a eu des commissions sénatoriales, des commissions du Sénat, du Congrès américain, qui ont contesté ces conclusions officielles de la commission Warren. Mais le gouvernement fédéral, lui, continue... d'admettre, ne remet pas en question cette thèse. Donc c'est même au sein du gouvernement américain, il y a la thèse officielle auquel ne croient pas les députés depuis les années 70. Après le Watergate, il y a eu des commissions qui ont enquêté sur la CIA, donc il y a beaucoup de choses qui sont sorties au grand jour. Dans les années 90 aussi, à la suite notamment du film de Oliver Stone, justement, tout ça, c'était des commissions du Congrès ou du Sénat américain qui ont obligé la CIA à sortir des archives, etc. Donc cette thèse officielle, elle est même plus officielle au niveau du Congrès ou du Sénat, mais elle reste officielle au niveau de l'État fédéral. Alors, je crois qu'il faut quand même que vous expliquiez pourquoi ça ne tient pas la route. Oh bah en 2 mots, alors comment on va... Il y a énormément d'éléments qui la contredisent. Les éléments techniques, si on devait refaire le procès, il faudrait s'appuyer sur des éléments techniques. Il y a des impossibilités matérielles pour que Lee Harvey Oswald ait pu tirer 3 balles en 6 secondes avec le fusil à verrou qu'il faut recharger. Donc ça, c'est une première impossibilité. Deuxième, la distance à laquelle il était. Le fait, alors l'élément que tout le monde peut constater en quelques secondes, c'est effectivement ce que vous avez mentionné, le film de Zapruder, qui était un témoin, un amateur qui a pris en 8 mm ces images fameuses qu'on retrouve facilement sur YouTube maintenant, sur Internet, où on voit la... été saisi. Oui, c'est plus compliqué que ça. Il n'a jamais perdu les droits sur ce film. Il en a toujours été propriétaire. Il l'a vendu au magazine Life pour une somme très confortable. Mais il l'a confié au FBI, qui ne l'a rendu public qu'en 1975. Le public américain n'a découvert ce film qu'en 1975. Ça fait partie des choses que le public américain a pris dans la pleine figure. Parce que là, dans ce film fameux, on voit la tête de Kennedy partir en arrière. Or, Lee Harvey Oswald était derrière. Donc là, il y a un problème, on voit bien. Et pourtant, ce film a certainement été retouché. Hein. Beaucoup d'analyses montrent qu'il y a des images qui ont été supprimées. On a probablement rajouté du sang à la fin. Bon. Mais même malgré ces retouches, on voit bien que la tête de Kennedy est projetée vers l'arrière et donc qu'il a été abattu de face. Et ce qui confirme d'ailleurs une vingtaine de témoignages qui ont été enregistrés de gens qui ont dit que les tirs venaient de ce fameux grassy knoll, c'est-à-dire bosquet, une petite colline herbeuse, là, avec une palissade. Énormément de témoins ont entendu les coups de feu venir de là-bas. Aux auditeurs de Radio Courtoisie, ils peuvent trouver sur Internet, je pense, le film de Oliver Stone. Oui, bien sûr. Rappelez le nom parce que je ne me souviens pas. C'est JFK, le film d'Oliver Stone de 1991. C'était un énorme succès. Film assez passionnant. Oui. Vous savez, après, dans la communauté des chercheurs, il y a des thèses qui s'affrontent. Et donc, certains vont accuser Oliver Stone d'avoir privilégié une piste et d'avoir Dire qu'il a toujours été constant, parce que depuis, il a ressorti des films sur d'autres sujets, mais il met toujours en accusation ce gouvernement secret des États-Unis, composé d'industriels, on en parlera tout à l'heure, de membres de la CIA, du complexe militaro-industriel, du lobby sioniste, etc. Donc, ne serait-ce l'impossibilité matérielle réelle, c'est que le champion du monde de tir n'aurait pas réussi ce que Lee Harvey Oswald est censé avoir réussi sans être entraîné. Alors après, il y a d'autres. Un fusil d'une précision, une carabine d'une précision médiocre, une cadence de tir strictement impossible à tenir, etc. Et puis, il y a tout l'enchaînement. Son assassinat. Voilà, c'est ça. C'est... Les manipulations qui sont autour. Ouais. L'examen du corps. Il y a l'examen du corps. La limousine qui est promptement lavée, nettoyée et réparée. Pas d'études balistiques. Donc, au niveau de l'enquête, on voit qu'il n'y a pas eu d'enquête. Le corps de Kennedy lui-même, qui aurait dû, selon la loi, être autopsié au Texas, à Dallas, a été arraché pratiquement à la pointe du pistolet par les membres du Secret Service, c'est-à-dire les membres de la protection du président, pour être rapatrié à Washington dans un hôpital militaire et être autopsié par un médecin pratiquement avec une salle bourrée d'amirals de la CIA et on ne sait de trop quel service secret. Donc l'autopsie a été faite d'une manière absolument très très suspecte. Il y a tout un tas de choses comme ça qui, dans l'enquête, on voit bien. Et la commission Warren elle-même, qui a enquêté sous que le président Johnson, vice-président devenu président, que Johnson a chargé d'enquêter, a produit exactement comme après le 11 septembre un rapport qui ne tient pas la route et qui n'est pas sérieux. Vous citez par exemple, je crois que c'est intéressant de citer il y a beaucoup de témoignages que vous donnez, notamment par exemple au moment de l'autopsie, les médecins. Mais je trouve qu'il y a un témoignage qui est assez incroyable, qui est Kenny O'Donnell, donc qui est qui se trouvait à proximité, justement, qui dit que les tirs venaient de la palissade. Et il dit, j'ai dit au FBI ce que j'avais entendu, mais ils me dirent que ça n'avait pas pu arriver ainsi et que j'avais dû imaginer des choses. J'ai donc témoigné comme il voulait que je le fasse. Je ne voulais pas remuer la douleur de la famille en compliquant les choses. Oui, mais ça, c'est assez caractéristique de beaucoup de gens. Et ce témoignage, je pense qu'ils ont attendu plus d'une dizaine d'années pour le donner. Et plus le temps passe, plus des gens vont dire des choses comme ça. Mais c'est très caractéristique de ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de témoins qui ont été entendus par le FBI, qui volontairement sont présentés pour dire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, et qui ont été contraints soit par la menace, l'intimidation, et ça on en trouve des traces même, on a des enregistrements d'interviews du FBI où on voit l'énorme pression exercée sur ces témoins pour leur faire changer leur témoignage. Et donc Kenny O'Donnell, qui était un ami très proche de Kennedy, faisait partie de ces Irlandais, ce qu'il appelait sa mafia irlandaise. Il aimait s'entourer d'amis irlandais. Donc même ces gens-là ont été pas contraints, mais n'ont pas eu peut-être le courage ou ont eu peur de créer plus de problèmes que en défendant la vérité, hein, ce qu'ils savaient être la vérité, et se sont pliés effectivement dans, à cette, ce que d'ailleurs un médecin, un de ces médecins qui, 40 ans après, je crois, a déclaré que pour lui, il n'y avait aucun doute, la balle venait de l'avant, mais qu'il avait Oui, il ne voulait pas nuire à sa carrière. Il voulait pas, hein. Oui, il avait peur. Et puis, il avait peur pour sa vie. C'est le témoignage. Donc lui, il parle de cette conspiration du silence. Parce que j'avais autant peur des hommes en costume que des hommes qui avaient assassiné le président. Je me disais que ceux qui étaient prêts à éliminer le président des États-Unis n'hésiteraient sûrement pas à tuer un docteur, c'est-à-dire lui. Et on a, mais ça, c'est un aussi autre médecin. Très... Il y avait des amiraux. Quand vous êtes lieutenant-colonel dans l'armée, vous suivez les ordres. Un autre qui dit « Nous étions tous militaires, nous étions sous contrôle. » Et s'ils ne pouvaient pas nous contrôler, ils pouvaient nous punir. Ouais. Alors, dans le contexte militaire, ça c'est une clé aussi pour comprendre comment fonctionne cette chape de plomb qui se met sur tous les gens qui ont des informations. Il y a le contexte militaire qui joue un rôle important. Et ça, dans le 11 septembre, c'est aussi le cas. Hein. Tous les gens qui ont été mêlés d'une manière ou d'une autre à la manipulation, s'ils se trouvent dans un contexte militaire, ils comprennent qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens de parler, ils risquent leur vie. Puis les gens ont peur et moi je m'aperçois que depuis que je me suis intéressé à ce sujet-là, je suis surpris, déçu par le fait que les gens ont peur. Et même les gens qui ne savent rien de spécial, même les gens qui n'en savent pas plus que le simple fait d'avoir lu le livre de Thierry Messant par exemple, ça c'est quelque chose que je trouve quand même assez triste, hein, c'est que les gens ont peur. Les gens ont peur même d'en savoir trop. Ça les obligerait peut-être... Oui, mais c'est un peu... C'est George Orwell, hein, le bonheur est dans l'ignorance. Oui. Ouais, ça, on le ressent chez beaucoup de gens. Et je pense c'est pour ça que la radio Courtoisie, on est une radio un peu particulière. Et oui, non, mais... Parce qu'on s'intéresse justement aux choses qui font mal. Ouais. Et dont il ne faut jamais parler. C'est vrai qu'on n'a pas de rubrique footballistique. Et je crois qu'il n'y a aucun animateur qui a parlé... du championnat du monde de balle à pied ces temps-ci. Quoi. Oui, bon. Alors, donc, on voit quand même qu'il y a au moins un bénéficiaire, quand même, dans cette opération, qui est Lyndon Johnson. Quoi. Oui. Et là, bon, vous revenez dessus pour lui consacrer un chapitre. Quoi. Oui. Parce que Kennedy voulait s'en débarrasser. Oui, tout à fait, oui. Disons que lorsqu'on approfondit l'enquête sur Kennedy... À mon avis, on arrive sur trois pistes. La première piste sur laquelle on arrive, chez les chercheurs sérieux, une fois qu'on a éliminé les pistes farfelues qui ne sont que des diversions, hein, comme la piste de Castro, évidemment, oui. La piste de la mafia cubaine ou corse, ou je ne sais quoi, on arrive sur une première piste qui est celle de la CIA, du complexe militaro-industriel. On rentre dans cette confrontation très dure de Kennedy avec la CIA, donc on soupçonne fortement la CIA. Vous pouvez peut-être en parler, notamment à propos de l'histoire de la baie des cochons. Voilà, la baie des cochons, tout un tas de choses. Qui est quand même un déclencheur. On va peut-être y revenir, mais... Où John Kennedy décide de purger la CIA. Quoi. Oui, il y a une confrontation très très forte, très très très forte. Et Kennedy et Lenin se déclare l'ennemi de la CIA. La CIA perçoit Kennedy comme un traître à la nation, donc c'est très très intense. Mais bon, cette piste-là, elle est très très forte. Il y a une autre piste, et les chercheurs qui explorent cette piste, disons, on va dire de la CIA, pour faire court, hein, mais après avec le complexe militaro-industriel autour, mais on va dire quand même la CIA principalement, c'est les gens qui insistent sur cette piste ont tendance à exonérer un peu Johnson en estimant que oui, certainement, il savait que c'était pas lié à Harvey Oswald, mais pour le bien public, pour calmer les esprits, pour ne pas nuire aux États-Unis, il a couvert la vérité. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a d'autres livres récemment qui sont parus qui ne laissent aucun doute sur la complicité de Johnson, qui n'a pas simplement fait que profiter, mais qui très probablement a... peut-être orchestrer le complot, ou en tout cas, qui a fait en sorte que ceux qui avaient décidé d'éliminer Kennedy étaient rassurés sur le fait que Johnson les couvrirait une fois au pouvoir. Ça laisse, pour moi, il n'y a aucun doute. Donc Johnson, c'est une piste très importante. Et puis, quand on creuse encore un peu plus, c'est-à-dire quand on prend connaissance des controverses à l'intérieur de la communauté des chercheurs sur Kennedy, hein, on s'aperçoit qu'il y a des thèses qui s'affrontent, il y a des thèses qui sont... Il y a un combat qui est pas toujours loyal, mais... Et on s'aperçoit qu'il y a une troisième thèse quand même qui est assez sérieuse, c'est la piste d'Israël. Alors, thèse soigneusement évitée par beaucoup de chercheurs, pour des raisons sur lesquelles on peut spéculer, mais enfin qu'on comprend bien, mais qui en réalité est assez solide, parce que d'une part, il y avait aussi une confrontation, un affrontement très sérieux entre Kennedy et David Ben-Gourion sur des sujets très sérieux comme la bombe atomique israélienne. Kennedy avait essayé aussi de faire interdire le lobby israélien qui ne s'appelait pas encore l'EPAC, qui est devenu l'EPAC justement pour contourner l'interdit que Kennedy voulait leur imposer en tant qu'organisme... Paraître comme un lobby sioniste et pas un lobby israélien aux États-Unis. Pour des intérêts étrangers, voilà. Donc il y avait... Kennedy qui avait vécu lui-même durant sa campagne l'énorme pression de ce lobby pour soutenir, pour acheter les candidats. C'est-à-dire, il le dit clairement, hein, Kennedy, là, il y a une citation de Kennedy où il explique qu'il a été approché par des représentants du lobby sioniste qui lui ont proposé, il le dit dans ces termes-là, qui lui ont proposé de lui financer sa campagne, à condition qu'il leur laisse le contrôle de la politique étrangère au Moyen-Orient. Voilà, hein, je cite pratiquement mot pour mot Kennedy. Donc ça, c'est une réalité qui, malheureusement, est restée tout à fait d'actualité, hein, je pense. Donc alors, Kennedy a voulu détruire cela. Hein, il a voulu faire en sorte que ça cesse. Et il a aussi voulu forcer, et là on a des lettres aussi de Kennedy à Ben-Gourion qui sont extrêmement menaçantes, forcer Israël à renoncer à son programme nucléaire. Donc Israël avait des bonnes raisons d'éliminer Kennedy. Ça, mais ce n'est pas forcément parce qu'il avait raison de le faire qu'ils l'ont fait. Mais l'autre raison de creuser la piste israélienne, c'est que beaucoup d'acteurs clés sont des sionistes déclarés ou plus ou moins déclarés. Hein. Il y a beaucoup d'éléments clés, de personnages clés dans le complot contre Kennedy, mais surtout le backlash de l'enquête, hein. L'étouffement de l'affaire, la manière dont on a fait avaler au public la version officielle. Israël est un petit peu présente un peu partout. Quoi. Alors, Vous consacrez un chapitre au projet Northwood. Oui. J'aimerais que vous en parliez parce que c'est totalement. Enfin moi je connaissais évidemment, mais c'est totalement méconnu quoi. Oui. C'est pour expliquer quand même les méthodes des services secrets américains parce que ça va quand même très très loin. Oui, mais projet Northwood, si vous avez lu jusqu'au, je reviens dessus, j'ai quelques doutes, mais on peut quand même. Northwood est aujourd'hui très connu des chercheurs sur le 11 septembre, puisque la vidéo la plus influente de ce mouvement pour la vérité sur le 11 septembre, c'était Loose Change, qui commence justement par parler de Northwood pour montrer que les États-Unis ont déjà imaginé. Parce que Northwood n'a été que sur le papier, n'a pas été réalisé, ont déjà imaginé une opération qui ressemble étrangement au 11 septembre, dans lequel il était question d'abattre un avion, un avion qui aurait été soi-disant un avion de ligne, mais qui aurait été remplacé par un drone, pour mettre l'attentat sur le dos de Castro, et donc créer un prétexte pour envahir Cuba. Donc ça ressemble effectivement étrangement au 11 septembre. Et ça, c'était donc un projet qui a été présenté à Kennedy ou à Robert McNamara, son ministre de la Défense, en 1962, que Kennedy a rejeté, à la suite de laquelle il a limogé ou plutôt envoyé le chef de l'état-major américain. Donc ça fait partie des épisodes qu'on connaît en fait grâce à un document déclassifié en 2000. Oui. Mais... Ça risque de nous amener un petit peu loin. Je précise quand même que j'ai quelques soupçons sur l'authenticité de ce document. Parce qu'une des choses dont je me suis aperçu en approfondissant, c'est qu'il y a des documents déclassifiés qui sont des faux. C'est une certitude. Et donc, quand on a un document déclassifié en 2000, par exemple, qui n'apparaît que sous une copie simple, qu'un journaliste aurait remis... Enfin, il faut... Il faut s'interroger de manière sérieuse sur tous les éléments de preuve, parce qu'il y a des éléments de preuve qui sont quelquefois là pour divertir l'attention ou pour orienter la communauté de contestataires vers une piste plutôt que vers une autre. Et par exemple, ce que j'explique, c'est que tous les gens qui se sont intéressés au 11 septembre connaissent cette opération Northwood qui n'a jamais eu lieu. Hein. qu'on ne connaît que par un seul papier, oui. Qui d'ailleurs on ne sait pas d'où il vient, parce que, enfin bref, c'est... Mais personne, très peu de gens connaissent une opération qui, elle, a bien eu lieu et qui ressemble aussi étrangement au 11 septembre, qui est l'attentat contre le USS Liberty. Oui. Ça, c'est, voilà, alors, il y a quelques ouvrages, plusieurs ouvrages, on a des témoignages, etc. Et c'est effectivement un épisode qui est toujours passé sous silence dans l'histoire américaine, hein, parce que, en fait, c'est les victimes et les familles des victimes qui ont été obligées de se battre pour faire reconnaître cet événement. Bon, ça se déroule en 67. Hein. Oui, en juin 67. Voilà, donc parlez-en, parce qu'effectivement, c'est encore moins connu que... C'est un épisode, et il est moins connu, on peut se demander pourquoi, et on va vite comprendre pourquoi. C'est parce qu'il oriente les soupçons vers Israël. C'est une opération sous faux drapeau israélienne. C'est un navire américain. C'est un navire américain de la NSA, cette fameuse agence dont on a entendu parler récemment, d'espionnage. À l'époque, c'était moins perfectionné, mais qui était spécialisé en écoute, quoi. Voilà, c'était un avion bourré de radar. Enfin, un bateau. Hein. Un navire, bourré de radar, non armé. Hein, donc, il n'y avait que des ingénieurs, techniciens, traducteurs à bord, qui espionnaient au large de l'Égypte et qui, en juin 67, en plein pendant la guerre des Six Jours, enfin, cette guerre entre guillemets, est soudainement attaqué par des avions non marqués, alors qu'il fait beau et qu'ils ont un pavillon américain absolument évident. Mais ces avions s'avèrent être des avions israéliens. Ils reçoivent aussi quelques torpilles. Donc, pendant 75 minutes, ce navire est sous le feu israélien, par air, par mer. Les canots de sauvetage sont mitraillés, donc il y a une volonté évidente de ne laisser aucun survivant et de couler le bateau. L'assaut n'a miraculeusement, on va dire que le navire n'a pas coulé, et les Israéliens ont arrêté leur attaque lorsqu'un navire soviétique approchait. Alors, du côté américain, les Américains très vite entendent que les Égyptiens attaquent le navire américain. Bon, étant donné qu'il y a eu des survivants, l'opération a échoué. Elle ne pouvait réussir que si aucun survivant, parce que tout le monde a bien compris que c'était les Israéliens qui attaquaient. Même ils entendaient les pilotes parler, etc. Donc il n'y a aucun doute que c'était bien une attaque israélienne. Mais on comprend bien que tout était préparé pour que le public américain croie que c'était une attaque égyptienne. Ce qui aurait donné à Johnson le prétexte pour s'impliquer dans la guerre de Six Jours, pour aller jusqu'où, puisque là, l'Égypte était déjà officiellement alliée sous la protection de l'URSS, on aurait eu une troisième guerre mondiale, probablement, enfin en tout cas... voilà. Et donc là, on a un exemple un cas d'école, d'une attaque sous faux drapeau israélienne. Bien que on soupçonne Johnson d'avoir été de connivence dès le départ. Toujours pareil, il y en a qui pensent que Johnson n'a fait que couvrir l'affaire, et puis il y en a d'autres qui pensent que... Mais même on peut dire, parce que c'est une affaire quand même qui est peu connue, je sais pas, il y a deux ou trois livres, plus maintenant, sur la question. Oui, plus, mais Temps. Mais ils ont eu un mal fou à les faire paraître. Ouais. L'affaire a été étouffée pendant 10 ans. Parce qu'on la connaît aujourd'hui, mais il n'y a pas eu d'article à l'époque, dans mon souvenir. Les survivants ont été priés de se taire. Ils étaient militaires, toujours pareil. On leur a intimé de se taire. Je crois qu'il y a un des militaires je dois voir son livre, qui a fini par en sortir un. Oui, à la retraite. Donc en fait, c'est une opération quand même qui a été gardée secrète, je ne sais pas, pendant une quinzaine ou une vingtaine d'années. Effectivement, et c'est que je pense qu'il y a des gens qui, avant, quand ils voient le moment de leur mort approcher, quelque sorte, ont vraiment envie de dire la vérité. Donc effectivement, il y a quelques livres publiés, écrits par des survivants récemment. Des gens qui n'ont plus peur de mourir, puisque de toute manière... ils ont déjà échappé une fois à la mort. Oui, et puis ils sont en fin de vie, pratiquement. Mais c'est ça qui est un petit peu triste, mais en même temps compréhensible, surtout dans le complexe militaire. On peut dire que ces pauvres militaires, ils avaient un interdit absolu, et ils étaient... faut se mettre à leur place. Dans d'autres pays. Il n'y a pas que la peur qui joue. Je pense que beaucoup se sont laissés convaincre que c'était dans l'intérêt C'était la raison d'État qui primait sur la vérité. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit déjà à l'époque de Kennedy. Ce qu'on voit à l'époque de Kennedy, c'est que Johnson a énormément joué sur cette corde en convainquant les gens autour de lui que la vérité allait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et donc, parce que la vérité, c'était qu'il y avait un complot de Castro. Donc, il a joué sur ce... c'est un mensonge à plusieurs niveaux, si vous voulez, parce qu'il y a le mensonge Lee Harvey Oswald qui est le seul coupable. En dessous de ce mensonge, puisque Lee Harvey Oswald est un personnage fabriqué avec une légende, comme on dit, de dissidents castristes et soviétiques. Donc, si on... renonçait à ce premier mensonge, on se retrouvait avec un Lee Harvey Oswald soviétique, castriste, et donc un complot soviétique. Et donc, Johnson a convaincu son entourage de boucler l'affaire d'admettre cette thèse du tireur unique, parce que sinon, on avait la Troisième Guerre mondiale. Et évidemment, la vérité, elle est encore en dessous. C'est que Oswald n'était pas un agent soviétique, mais un pauvre pion manipulé par les services secrets, la CIA. Donc, la raison d'État aussi est un élément qui suffit parfois à convaincre certaines personnes de se taire. Alors, donc, on en arrive à Johnson, quoi. D'accord. Et vous montrez bien qu'il y a il va y avoir une continuité, en fait, jusqu'à 11 septembre, avec d'une certaine... En filigrane, hein, il y a la famille Bush. Oui, voilà. Alors quand on, voilà, c'est ça qu'il y a. Il y a des liens quand même, hein, parce qu'on est dans une génération finalement, hein, entre Kennedy et le 11 septembre. C'est la même génération qui est jeune sous Kennedy et puis vieillissante, mais toujours aux affaires sur le 11 septembre. Donc c'est intéressant de voir les personnages qu'on retrouve depuis le début jusqu'à la fin. Et effectivement, il y a la famille Bush qui fait partie de ces éléments qu'on retrouve depuis toujours. Le père Bush, George Bush Jr., George H.W., hein, président. Qui a été président plus tard, se trouvait à Dallas le 22 novembre 1962, jour d'assassinat de Kennedy. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Eh bien, des archives, probablement authentiques à mon avis, montrent qu'il était déjà au service de la CIA. Il avait déjà une activité en lien avec la CIA à cette époque-là. Il était à Dallas le 22 novembre 1962. Bon, c'est troublant, puis il y a un certain nombre d'autres éléments. Et puis Bush devient président de la CIA, directeur de la CIA en 1975. Il devient président, etc. Et puis c'est son fils qui est à la Maison-Blanche au moment du 11 septembre. Donc il y a une continuité intéressante. Il y a aussi le cas Nixon, et on est obligé de se pencher sur Nixon, qui était quand même un sacré personnage. Donc après Kennedy, il y a Johnson. Alors, on est vraiment dans une histoire qui a une dimension mythique incroyable, parce qu'autant Kennedy est un personnage fascinant, presque christique, hein, moi je trouve, parce qu'il a, quand on comprend son parcours, c'est pas un personnage d'une grande... c'est un personnage complexe, hein, mais il a une dimension véritablement sacrificielle. Il savait qu'il risquait sa vie, il en avait fait sa philosophie, il avait adopté pour philosophie qu'il fallait vivre comme si on allait mourir demain. Il avait parfaitement conscience du fait qu'il risquait sa vie. Autant on a avec Johnson un personnage noir, un véritable psychopathe. Ses biographes, pratiquement unanimement, le décrivent comme un psychopathe, hein, au sens psychiatrique du terme, c'est-à-dire un personnage assoiffé de pouvoir, extrêmement manipulateur, que rien n'arrête. Et avec Nixon, on a un personnage aussi un peu complexe, donc qui succède entre les deux, d'ailleurs, on a l'assassinat du frère. Ben oui, on a l'assassinat du frère. Disons que sous Johnson... Il voulait se présenter à la présidence des États-Unis pour faire la vérité, pour découvrir, enfin pour faire éclater la vérité sur la mort de John Kennedy. Probablement pas que pour ça, mais ça faisait certainement partie de ses objectifs. Oui, alors Robert Kennedy, et les deux Kennedy sont deux personnages fascinants, et leur relation aussi entre John et Robert, c'est très émouvant. Robert, qui était un des plus jeunes, le plus jeune candidat à la Maison-Blanche de toute l'histoire, il avait, je crois, 38 ans lorsqu'il s'est présenté, je crois, non, peut-être un peu plus quand même. En tout cas, il était le premier, le ministre de la justice de son frère, et à l'âge de, il avait la trentaine, un peu plus de la trentaine. Et il est assassiné, effectivement, en 1968, deux mois après Martin Luther King, et tout ça sous la présidence de Johnson. Donc il se passe beaucoup de choses très troublantes sous la présidence de Johnson. C'est un moment très, très noir de l'histoire des États-Unis, hein. Johnson est probablement le le pire président que les États-Unis aient connu. Il a entraîné l'Amérique dans la guerre du Vietnam, puisqu'on sait aujourd'hui que Kennedy voulait l'arrêter. On voulait s'en retirer. Et donc, c'est John. Enfin, il commence à envoyer des troupes, Kennedy, mais il décide de se retirer. Ouais. En fait, c'est Johnson qui va être l'artisan de l'escalade. Absolument, oui. Et ça n'apparaît pas trop dans les manuels d'histoire des lycéens. Hein. Beaucoup de demi-vérités ou de contre-vérités sur Kennedy, parce que là, aujourd'hui, avec les archives déclassifiées, on le sait pertinemment, ça laisse aucun doute, Kennedy avait signé tout ce qu'il fallait pour que la guerre du Vietnam, qui n'avait pas vraiment commencé, hein. Cette guerre du Vietnam, il y avait 15 000 hommes qui étaient soi-disant des conseillers militaires, qui soutenaient le gouvernement du Sud contre les communistes du Nord, mais il n'y avait pas vraiment de guerre du Vietnam avec une implication très forte des États-Unis. C'est Johnson qui a escaladé, qui a lancé ça, mais qui a réussi à faire croire au public américain qu'il était dans la continuité de la politique de Kennedy, parce que Kennedy était resté discret sur son objectif, parce que dans le climat d'anticommunisme viscéral des États-Unis, pour être réélu, il voulait quand même rester prudent. Il voulait être réélu en 64. Et donc, il voulait attendre sa réélection pour vraiment officiellement clore cet affrontement. Donc Johnson, il est le principal responsable de la guerre du Vietnam, sans aucun doute. Alors, ce qui est fascinant d'ailleurs, enfin bon, avec le recul, on rend compte que depuis, les États-Unis, la guerre du Vietnam a marqué très durablement les esprits américains. Mais les guerres qu'il y a eu en Irak et en Afghanistan ont duré beaucoup plus longtemps, en réalité. Ont été plus longues, ça a été des guerres très longues, et qui ont abouti à un échec. Mais elles ont fait moins de morts américains. Oui, elles ont fait beaucoup moins de morts. C'est ça qui fait la différence du point de vue de l'opinion américaine. Parce que vous vous souvenez, au moment de la guerre d'Irak, on comptait les morts un par un. Et c'est ça qui, quelque part, hein, c'est bien triste, mais les Américains n'ont aucune idée du nombre de morts qu'ils ont causé en Irak. Ils ne le savent pas très bien, à un zéro près. Mais ils savent exactement qu'ils ont eu... À 100 000 près, à mon avis. Oui, à 100 000 près, oui. Ouais. Mais ils savent à l'unité près le nombre de morts américains qu'ils ont eu. Donc autant la guerre du Vietnam, je pense, a fait quand même quelques dizaines de milliers de morts américains, autant celle de l'Irak en a fait peu. La plupart par accident, d'ailleurs. La plupart, par des tirs amis, voilà. Non, ou les jeeps qui se retournent. Oui, beaucoup d'accidents. Ouais. Ce genre de choses, quoi. Ouais. Hein. Ouais. Bon. Donc... C'est ça qui est effrayant, hein, quelque part. C'est que les États-Unis ont la capacité maintenant de faire des guerres extrêmement meurtrières, qui tuent principalement des civils, mais en ayant assez peu de morts chez eux, et donc une opinion publique, finalement, pas trop préoccupée chez eux. C'est ça qui est assez effrayant. Alors, on continue dans l'histoire américaine, et on en arrive à... Je trouve votre chapitre est vraiment synthétique. Bon, on en arrive à 1990, quoi. Où là, c'est quand même une manipulation absolument fantastique. Vous parlez de la première guerre d'Irak ? Oui. Parce qu'en fait, les États-Unis ont fait monter l'Irak contre l'Iran. Bon, et l'Irak se retrouve exsangue. Oui. Ouais. Et l'ambassadeur américain, en gros, leur dit, vous pouvez y aller. Au Koweït, oui. Oui. Ouais. Oui, ça fait partie des choses qu'il faut rappeler. On a parlé, mais ouais. C'est des choses comme ça. Ouais. L'histoire des guerres d'Irak, des guerres des États-Unis contre l'Irak, sont une série sont basées sur des faux prétextes depuis le début jusqu'à la fin, des séries de mensonges qu'on a fait avaler à l'opinion américaine, de la diplomatie machiavélique où on promet des choses et on fait le contraire. Donc effectivement, comme vous le dites, on avait promis à Saddam de pas se mêler de sa querelle avec le Koweït, qui était, d'ailleurs, hein, cette querelle, il avait des certaines raisons d'en vouloir au Koweït. Saddam Hussein en avait conclu qu'il pouvait y aller, effectivement, et il s'était trompé. Et dans cette affaire-là, il y a l'intervention américaine, etc., mais il laisse Saddam Hussein en place. Oui. Non, c'est-à-dire que tout le monde, déjà, dès ce moment-là, se dit, mais pourquoi ? Ouais, Parce qu'ils arrêtent. L'armée irakienne était partie en lambeaux, elle a été détruite, napalmée, enfin tout ce qu'on voudra. Mais on les laisse se retirer et ils vont pas jusqu'à Bagdad. Oui. Moi, je me suis toujours posé un peu la question du pourquoi On peut dire, oui, l'État profond américain décide de laisser Saddam Hussein. J'ai trouvé une réponse sur cette question. Pourquoi le père Bush n'a-t-il pas envahi l'Irak? Pourquoi le fils Bush a-t-il envahi l'Irak? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Je pense que pour répondre à cette question, il faut comprendre donc que dans cet État profond, il y a des guerres internes, hein, il y a des factions, des clans, des intérêts divergents qui se font pression, chantage et autres les uns sur les autres. Et il y a les néoconservateurs qui commencent à être extrêmement puissants. Vous en parlez, vous faites une bonne synthèse. Si vous voulez, quand j'ai lu votre livre, j'ai eu l'impression de lire la revue que je publie. Ça s'appelle Fait Document, parce que j'avais fait une série sur les néoconservateurs, énormément d'épisodes, c'est vraiment intéressant parce que... Faudrait que je les lise, je connais votre vue, mais... Vous avez votre approche, mais c'est... Moi, je suis comme un poisson dans l'eau, puisque je connais la plupart des protagonistes que vous évoquez, la plupart des affaires, etc. Mais c'est vrai qu'en général, c'est des sujets qui sont jamais abordés. Oui. J'espère que je ne me suis pas trop trompé. Vous avez peut-être trouvé des erreurs. Parce que vous suivez ce dossier depuis longtemps. Non, mais on va en parler. Mais l'histoire de la seconde attaque de l'Irak, c'est quand même absolument stupéfiant. Quoi. Ouais. Les malheureux Irakiens qui n'ont strictement rien à voir avec le 11 septembre. Ouais. Et ils sont désignés à la vindicte. Ouais. Et ils vont se retrouver attaqués, exactement comme l'Afghanistan. Et je dirais, c'est un peu comme si, l'Allemagne nous déclarait la guerre, on décide de bombarder la Suisse, quoi. Parce que c'est ça, la réalité. Oui, tout à fait. Oui. Et on a fait gober ça à l'opinion internationale, en tout cas occidentale. Ouais, occidentale. Ça a peut-être moins marché dans d'autres parties du monde. Mais c'est absolument extraordinaire. Oui. Et quand on... Et ce qui est fascinant, bon, ça, c'est pas dans votre ouvrage, mais cette mystérieuse l'État islamique au Levant, là... Ah oui. Y a quand même eu des dépêches, mais bon, j'ai pas encore beaucoup d'éléments, il y a des dépêches, où des membres de l'État islamique au Levant disent qu'ils ont trouvé les armes secrètes de Saddam Hussein. Ah oui, oula. Non, mais c'est absolument incroyable. Incroyable, donc on est dans le mystère des pyramides. Voilà, les Américains les ont cherchés pendant 10 ans, mais c'était islamique au Levant, manipulé par l'Arabie Saoudite, financé par le Qatar, etc. Découvre les armes que dans les endroits où les Américains sont allés, mais eux, ils les ont trouvées alors que ça faisait 10 ans que les Américains les cherchaient. Quoi. Je pense qu'on a atteint un tel degré de désinformation aujourd'hui, c'est effrayant. Moi, c'est ça qui me préoccupe le plus, c'est que chaque fois que je regarde les nouvelles, je me demande quels mensonges ils sont en train d'essayer de nous fourguer et quelle est la vérité derrière. Du moins, dès qu'il est question de politique extérieure, des guerres. Hein, parce que non, mais je veux dire, pour la politique française, c'est la même chose. Hein. Oui, mais il y a moins de morts, donc les enjeux sont... Oui, c'est probablement la même chose. Mais... En tout cas, sur le domaine de la politique au Moyen-Orient, on est devenu tellement atlantiste, c'est-à-dire que nos médias sont pratiquement alignés sur les grands médias américains qui, eux, aujourd'hui, sont, depuis la guerre d'Irak, ont soutenu la guerre d'Irak et soutiennent les interventions américaines et les mensonges sur lesquels elles se basent. Quoi. C'est effrayant. Mais pour revenir sur ce point des deux guerres du Golfe, moi, il me semble qu'il y a une chose importante à comprendre pour comprendre cette période. C'est d'abord, l'implication des néoconservateurs dans le 11 septembre. Et ça, c'est assez facile à voir. Ce sont eux qui contrôlent l'administration Bush. Oui, vous leur consacrez un chapitre. Voilà. Alors, il faut s'interroger sur qui sont les néoconservateurs. Et on s'aperçoit que les néoconservateurs sont une sorte de cercle, au départ, d'intellectuels et de politologues... animés par une volonté de défendre Israël, hein, qui sont pratiquement tous des sionistes, faisant partie de différents lobbies et de différents organismes pro-israéliens. Et on s'aperçoit que c'est cet ensemble de gens qui sont à la Maison-Blanche, au Pentagone, hein, qui contrôlent la politique extérieure des États-Unis, sont rentrés un peu à la Maison-Blanche sous Reagan, mais se sont heurtés au père Bush. Hein, donc le père Bush était un ennemi des néoconservateurs. Hein, et le père Bush était en fait, Bush senior, était aussi plus ou moins perçu comme un ennemi par Israël, puisqu'il a quand même eu une politique concernant le Moyen-Orient qui était plutôt équilibrée. Et c'est pour ça qu'il a refusé. Hein, les néoconservateurs voulaient le forcer à envahir l'Irak en 1991. Mm-hmm. Il a résisté contre la pression des néoconservateurs. C'est pour ça que c'est amusant, entre guillemets, de voir son fils, lui, complètement soumis aux néoconservateurs en 2001, quoi. Mais voilà, ça fait partie des choses qui se passent en profondeur. Est-ce que vous avez pu étudier les... Parce que ça m'a pas paru étudié. Évident, bon, quand je l'ai lu, etc., c'est peut-être trop tôt, mais les relations entre Bush père et Bush fils. Non, j'ai pas creusé, mais je pense que on peut... Beaucoup de gens pensent que, en quelque sorte, les néoconservateurs qui n'ont pas réussi à manipuler Bush père, s'en sont donnés à cœur joie dans la manipulation de Bush fils, qui a fait une politique qui était, à laquelle son père était hostile. Hein, son père a mobilisé tous ses soutiens pour essayer de le convaincre de se retirer d'Irak beaucoup plus tôt. Hein, donc il y a eu non pas une guerre entre le père et le fils, parce qu'il ne voulait pas que ça aille jusque-là, mais le fils n'a fait une politique que n'aurait jamais fait son père, qui était un sacré filou malgré tout, hein, mais qui avait une autre vision des choses, oui, qui, ne l'oublions pas, est un ami des Saouds. Oui, parce voilà. Que ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des... Justement, il y a eu des... On a oublié, mais il y a eu de très vives critiques, en fait, de la presse israélienne, des organisations pro-israéliennes et sionistes, contre le premier président Bush. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Très... Écoutez, le premier président Bush n'a fait qu'un mandat. Oui. Les présidents américains qui n'ont fait qu'un mandat, ce sont les présidents qui ont été hostiles à Israël d'une certaine manière. Carter, on pourrait commencer par Kennedy d'ailleurs. Carter n'a fait qu'un mandat puisque le lobby sioniste l'a détruit, hein, en quelque sorte, pour mettre... Reagan à la place, Reagan. Et les néoconservateurs qui rentrent par la même occasion. Et Bush n'a fait qu'un mandat, justement, parce qu'avec la conférence de Madrid, il a essayé d'avoir une politique concernant la Palestine qui était quand même assez limitative pour Israël, donc il n'a pas été réélu. Beaucoup de gens pensent que c'est pour cette raison. Alors, ouais. Vous liez directement l'affaire du 11 septembre, en fait, aux néoconservateurs, parce que ça s'inscrit... dans ce changement stratégique américain provoqué par la fin du communisme, ouais. La fin du bloc soviétique, et donc il faut redéfinir un nouvel ennemi. Ben oui, tout à fait. Ce sont les néoconservateurs qui l'ont redéfini. Ce sont eux qui ont conceptualisé le choc des civilisations. Bernard Lewis est repris en chœur par tous les Irving Kristol et tous les néoconservateurs qui, entre parenthèses, venaient initialement de la gauche, de l'extrême gauche américaine, hein, qui s'étaient reconvertis en militaristes à partir du moment où ils ont compris que la puissance militaire américaine était nécessaire à la protection d'Israël. Hein, ça a été leur motivation avouée au départ. Ces néoconservateurs, donc, ont pratiquement prophétisé le 11 septembre, hein, dans leurs différentes publications, notamment ce fameux Project for a New American Century, hein, un espèce de think tank qu'ils ont créé, dans lequel ils ont appelé de leur vœu un nouveau Pearl Harbor, c'est-à-dire un nouveau prétexte pour une nouvelle guerre mondiale, hein, finalement. Guerre mondiale qu'ils ont bien construite de toutes pièces. Hein. On peut dire que le choc des civilisations est une fabrication au départ. C'est une sorte de prophétie auto-réalisatrice, c'est-à-dire que en la conceptualisant, on finit par la créer. Hein. Il suffit d'armer les fanatiques les plus sanguinaires et puis on crée ce choc des civilisations. Donc je pense que l'histoire dira que ce choc des civilisations a été fabriqué de toutes pièces par les néoconservateurs. Et ils ont eu besoin du 11 septembre pour que l'opinion américaine les suive. Pour qu'il y ait un effet cristallisation. Oui. Voilà, pour avoir... Mais c'est un peu la même chose. Enfin, il ne faut pas que les auditeurs de Radio Courtoisie croient que c'est réservé aux États-Unis, parce qu'on a exactement la même chose en France. Quoi. On a l'évolution d'un certain nombre de personnages venus de mouvements trotskistes et maoïstes. Oui. Je pense à des gens comme André Glucksmann, des gens comme Bernard-Henri Lévy... toutes sortes de gens, Kraut. Alain Finkielkraut, etc., toute une série de personnes, mais ils sont très nombreux, hein, ouais. qui sont venus, qui viennent des milieux de l'extrême gauche activistes et qui se sont transformés en les relais des néoconservateurs américains en France, la règle du jeu de Bernard-Henri Lévy, etc. Et on a abouti à ces éléments absolument incroyables où vous avez un Bernard-Henri Lévy qui convainc le président Sarkozy de faire la guerre à la Libye, ouais. Et qui est sur le perron de l'Élysée par la suite en train de présenter des gens qui sont totalement inconnus, qu'il a choisis pour devenir les représentants de la Libye auprès de la France, et c'est pas la première fois. Et après, il a essayé d'entraîner François Hollande dans la guerre contre la Syrie, en à nouveau présentant des personnages totalement inconnus sur le terrain, et avec une complicité des médias absolument évidente. Hein, ouais. Sa chronique en dernière page chaque semaine du Point, et c'est vraiment une chronique pro-américaine, pro-sioniste, néo-conservatrice. Voilà. On lit l'histoire du monde pendant 15 ans. Hein, c'est pas directement dans votre sujet, mais non, c'est, faut pas croire France, que... Parce que ouais, souvent, ouais. On se dit, les États-Unis, oui, on nous parle de quelque chose qui est très éloigné, alors ces histoires de... Mais en fait, il n'y a pas de complot en tant que tel, il y a des manipulations. Ouais. Et le complot, il est à l'air libre, quoi. On le voit directement, ouais. Mais les gens n'ont pas la grille conceptuelle pour le voir arriver, quoi. Ouais, tout à fait. Là, j'ai fait plusieurs émissions pour expliquer qu'en fait, en 2 mois, on nous avait vendu Manuel Valls comme futur présidentiable du PS, ouais. Alors qu'il y avait quand même un président socialiste qui est en place, qui s'appelle François Hollande, ouais. Mais dont tout le monde nous a expliqué qu'en fait, c'était une erreur de distribution, ouais. Et que donc il y avait un nouveau Barack Obama français qui est extraordinaire, qui s'appelait Manuel Valls. Ouais. Bon, et ça, on le fait devant les gens. Et après, les gens vous disent, non, mais c'est tout à fait naturel. Ils n'ont pas vu la manipulation qui a été faite. Ouais. Comme j'expliquais, par exemple, je crois qu'il y a peu de gens qui sont capables de citer l'actuel ministre de l'Intérieur, quoi. Bon, alors qu'avant, Manuel Valls était omniprésent dans les télévisions. Ouais. Donc on voit bien la différence de traitement. C'est pas un complot, mais c'est une manipulation qui est opérée par des intérêts privés, des intérêts secrets, etc. Et dans l'affaire des néoconservateurs américains, c'est exactement les mêmes choses. Ce sont pas des gens qui se réunissent avec une cagoule sur la tête et on leur met pas Une balle, un pistolet sur la tête en disant « tu vas faire tel truc ». C'est beaucoup plus subtil, hein. Oui, mais je pense qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Mais il y a une opération comme le 11 septembre, hein, où 2 tours s'effondrent et 3 même, des avions ou des avions fantômes. Bref, on a une opération précise qui suppose quand même un certain complot. C'est-à-dire le but que je m'intéressais, c'est l'histoire du Pentagone. Enfin, il y a la tour 7. Oui. Bon, oui. Mais il y a aussi, c'est surtout l'affaire du Pentagone qui est absolument stupéfiante, qui tient pas la route de A à Z. On va faire gober aux gens. Il y a un avion qui est arrivé alors qu'on retrouve pas les débris. Cet avion n'aurait pas pu pénétrer de cette manière-là. On est censé retrouver les gens alors que si l'avion s'est dissous, comment est-ce qu'on a fait pour retrouver les corps, etc., etc. Bon, il y a rien qui tient debout. On montre ça aux gens et ça prend. Ouais, alors que toute personne qui est censée réfléchir se rend compte dès le début que ça ne tient pas la route. Ouais. Hein, ça a été un peu votre démarche, quoi, en fait, comme vous nous l'expliquez. Bah, c'est-à-dire que tant qu'on regarde la télé, effectivement, on pense que ça tient la route. Mais dès qu'on prend connaissance de certains éléments qu'on nous cache, mais qui sont facilement visibles sur Internet, on s'aperçoit que que ça ne tient pas la route. Je pense un peu, si vous voulez, c'est très à la mode en ce moment, vous regardez des matchs de foot... Et puis, 4 ou 5 ans après, vous découvrez qu'en fait, il y avait les matchs de foot étaient truqués et ça a favorisé un certain nombre de gens qui ont pris des paris avec des groupes mafieux qui se trouvent derrière. Bon. Mais en fait, quand vous avez vu le match se dérouler, il s'est déroulé devant vous. Ouais, ouais. Vous dites, bon, aujourd'hui, ils ont moins bien joué que d'habitude. Ouais. Mais vous n'avez pas vu qu'en fait, c'était truqué. Ouais. Ben, hein, oui, c'est comme la fameuse histoire des handballeurs français qui perdaient à la mi-temps, qui ont parié avec leurs épouses, qui utilisaient leurs épouses pour parier, et qui finalement ont gagné, mais comme ils avaient mis les enjeux à la moitié dans le truc, la manipulation était tellement énorme qu'ils se sont fait prendre, non pas parce qu'on a vu qu'ils trichaient, mais en fait parce qu'il y a eu des manipulations financières. Et je pense que toutes ces histoires, c'est exactement du même type, c'est-à-dire que les gens ont du mal à... Les choses se déroulent devant vous, avec ces espèces d'images en boucle, avec les avions s'écroulant sur les tours, etc. C'est vraiment l'image emblématique du 21e siècle, donc du pouvoir de la télévision aujourd'hui. Ouais. Hein ? Vous vouliez nous lire un... Non, je voulais, parce que dans le, sur le plan des choses financières, des manipulations financières qui entourent ça, il y a par exemple sur le 11 septembre quand même quelque chose qui est incroyable, que les gens ont oublié, c'est que le 10 septembre, la veille, Donald Rumsfeld, ministre de la Défense, secrétaire à la Défense. Secrétaire à la Défense, c'est ça, donc chef du Pentagone en quelque sorte, annonce que le Pentagone, le département de la Défense, a perdu 2,3 trillions de dollars, c'est-à-dire 2 300 milliards de dollars, une somme astronomique, c'est 1000 fois les pertes de Enron, qui a causé une véritable panique. Donc c'est colossal, 2 300 milliards de dollars perdus, on ne sait pas où ils sont, on n'a pas les factures, on n'a rien. Incroyable, le 10 septembre. Alors le 11 septembre, tout le monde a oublié parce que tout le monde a les yeux rivés sur les tours jumelles qui s'effondrent, etc. Donc il y a un truc incroyable. Mais le plus incroyable, c'est qu'on apprendra après le 11 septembre que les 34 experts du cabinet qui faisaient un audit pour essayer de trouver où étaient passés ces 2,3 trillions de dollars meurent au Pentagone, parce que l'avion les a justement heurté l'endroit où se trouvait leur bureau. Mais attendez, c'est pas tout. Donc ça, c'est tiré du National 9-11 Pentagon Memorial. C'est de l'information qui sont absolument publiques. On lit par exemple que le chef de cette équipe, Robert Russell, le week-end avant sa mort, Russell avait convié toute son équipe chez lui pour déguster des crabes. Il fêtait la finalisation de la clôture du budget de l'année fiscale. Tragiquement, toutes les personnes qui assistaient à cette fête furent victimes de l'explosion au Pentagone. Et puis, il y a le cas de Brian Jack, un expert financier de cette équipe, qui attendait, c'est incroyable. Comme le dit le résumé de sa biographie dans le Washington Post, Brian Jack, je cite, était responsable de la réduction du budget de la défense américaine. En réalité, il enquêtait sur ses pertes colossales. Il avait embarqué dans le vol American Airlines 77 pour un voyage d'affaires en Californie quand son avion s'écrasa sur le Pentagone, là où, tout autre jour, il se serait trouvé au travail sur son ordinateur. C'est-à-dire que ceux qui imaginent ce genre d'histoire ont quand même un sacré sens de l'humour. On a tué Brian Jack, Brian Jack, qui enquêtait donc sur ces trillions disparus, en faisant croire qu'il se trouvait dans l'avion qui, justement, s'est abattu sur son bureau. Il n'était pas à son bureau, il était dans l'avion. Mais l'avion s'est abattu sur son bureau. Ça fait partie des choses, quand même, qui, quand on réfléchit... Il y a un autre épisode, je crois que vous en dites un mot, mais bon, c'est des sujets qui m'avaient intéressé. Mais il y a quand même des éléments. Les boîtes noires qui disparaissent... Bon, or, les boîtes noires sont censées pouvoir résister à n'importe quoi. Il y a 4 boîtes noires par avion, quand même. Deux fois deux, donc 4, bon, pas de chance. Ce qui est censé survivre à la destruction d'un avion n'est pas détruit. Il y a un autre élément, c'est que, on le sait très bien, toutes les ordres de bourse, les manipulations de cours, etc., on peut remonter, c'est un peu comme les adresses IP pour les ordinateurs, on peut remonter à la source. Or, on a des manipulations sur plusieurs millions d'actions, en particulier de compagnies aériennes, qui se produisent à ce moment-là, qui jouent à la baisse. Donc, il y a quand même bien des gens qui sont venus encaisser les dividendes. Ah oui, très clair. Bon. Et cette affaire, on ne les a jamais retrouvés. On a dit que finalement, on n'arrivait pas à savoir. On n'a pas révélé leur nom. Ce qui est absolument sidérant, cette affaire. Et le rapport sur le 11 septembre, par la commission d'enquête, a dit les gens qui sont impliqués dans ces transactions suspectes n'ont aucun lien avec Al-Qaïda et donc ils n'y ont rien à voir avec le 11 septembre. Voilà. Et voilà comment l'affaire a été réglée. C'est-à-dire, partant du postulat que Ben Laden et Al-Qaïda sont les seuls coupables, toutes les magouilles autour, si elles n'ont pas de lien direct avec Al-Qaïda, n'ont rien à voir avec le 11 septembre. Évidemment, c'est une manière circulaire de raisonner, c'est-à-dire... postule qu'on a le coupable dès le départ et donc on exonère tous les suspects qui n'ont pas de lien avec ce coupable. Oui, c'est scandaleux, Mais ce qui est formidable, c'est que cette affaire est cousue de fil blanc. Les gens qui réfléchissent ou qui s'informent un minimum le savent depuis le début. Mais je vous assure, je crois que vous êtes optimiste en pensant qu'on saura un jour la vérité sur l'assassinat de Kennedy. Je pense qu'on ne saura jamais la vérité sur le 11 septembre. En tout cas, je pense qu'on ne changera jamais la vérité officielle. Parce que la vérité sur le 11 septembre, en réalité, on la connaît. On la connaît, je crois. Oui. On la connaît même mieux que pour Kennedy. Hein, parce que sur Kennedy, on a quand même du mal à mettre le doigt sur des personnages en particulier. Alors qu'au niveau du 11 septembre, on sait quand même assez bien quel rôle ont joué Bush. Bush a joué le rôle de la marionnette, hein, qui lisait les discours qu'on lui écrivait. On sait quel rôle ont joué Donald Rumsfeld et le vice-président Cheney. Et ça, c'est un lien aussi qui est intéressant à faire, le rôle du vice-président dans les deux affaires. Parce que le vice-président sous Kennedy, c'est Johnson, et le vice-président au moment du 11 septembre, c'est Dick Cheney, qui gouverne. On le retrouve dans les pilotes plus anciens de l'histoire américaine. Oui, voilà, il fait partie des vice-présidents est importante dans d'autres assassinats. La vice-présidence, c'est un gros problème finalement pour les États-Unis parce que c'est un poste très mal défini. C'est une manière pour des crapules souvent de rentrer discrètement à la Maison-Blanche et puis après de profiter de leur position pour être élu. Et donc, ça a toujours amené aux États-Unis les présidents qui sont passés par la vice-présidence. Johnson, Nixon, Bush sont des personnages qui sont des manipulateurs. Donc vous imitez, évidemment, vous imitez les formes, enfin, vous imitez plusieurs hypothèses, j'avais parlé à l'époque. Il y a notamment, une des pistes, mais je ne pense pas que ça soit la suite, la seule, quoi. C'est la piste israélienne. La piste israélienne. Que j'ai abordée, mais vraiment dès le début, avec des informations sur les équipes de vendeurs israéliens aux États-Unis d'œuvres d'art, etc. Ces sociétés qui ont disparu. Moi, je pense qu'il y avait des intérêts convergents. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'il y avait des intérêts convergents. Donc, il y a un certain nombre de gens qui ont voulu... je pense qu'au Pentagone, ils ont décidé d'en faire un peu plus au Pentagone pour être sûr que ça marcherait, parce qu'on ne savait pas si les autres avions, ça fonctionnerait, on ne savait jamais. Qu'il y avait des services secrets qui étaient parfaitement au courant, comme, pour être très clair, le Mossad, et donc qui a laissé agir des gens qui, normalement, auraient dû être arrêtés depuis le début. Parce qu'il y a tellement ils ont commis tellement d'impairs, ils étaient incapables de conduire les avions, de les poser, de toute une série de choses. Ils s'étaient fait repérer bien avant, ils étaient suivis. Il y a cette enquêtrice du FBI qui a dit qu'on avait refusé de suivre toutes les enquêtes qu'elle avait faites, en fait, etc., etc. Donc on sent qu'il y a eu... c'est un peu l'idiot utile, comme Harvey Oswald. On les laisse, mais ils sont soigneusement entourés de chaque côté. Le terroriste qui se trouve dans un aide d'avion, je l'avais raconté donc, il y a maintenant plus de 10 ans, dans un des vols qui s'écrase sur une des tours, son voisin est un colonel du Mossad. Il est assis. C'est le seul Israélien qui soit mort dans cet avion, et je crois de toute l'affaire. Il est assis à côté du type qui est censé prendre un couteau pour menacer l'hôtesse et rentrer dans le cockpit de l'avion. Ouais. Il y a des choses quand même qui sont absolument extraordinaires, que maintenant d'ailleurs, on n'avait pas l'air de les connaître, mais qu'on a oublié, mais tout ça est sorti à l'époque. Ouais. Et moi, je crois que c'était le grand mérite d'Internet de permettre à des chercheurs de se mettre en communauté plus rapidement, alors qu'avant, au moment de l'affaire Kennedy, les documents ne circulaient pas, chacun travaillait dans son coin, donc après ils se sont écrits, ils ont été obligés de monter un petit bulletin, tirer à 100 exemplaires, en fait, etc. Oui, c'est vrai, Mais il ne faut pas oublier aussi que dès le départ, à mon avis, c'est une des conclusions sur laquelle je suis arrivé tardivement, quand on creuse toute la recherche sur le 11 septembre, on s'aperçoit qu'il y a des thèses divergentes qui s'affrontent. Il y a des sites ou des associations qui ont tendance à privilégier telle piste et à occulter telle autre. Donc on s'aperçoit si on imagine comment une telle opération a été orchestrée, la contestation a elle-même été contrôlée, ou en partie en tout cas, et donc il y a aussi beaucoup de fausses informations qui ont circulé dès le début, qui étaient des fausses informations qui contredisaient la théorie officielle, mais en orientant les sceptiques, on va dire, dans une certaine direction, vers d'autres fausses pistes. Ça, c'est à mon avis incontestable. C'est une conclusion à laquelle on est obligé d'aboutir à partir d'un certain stade où on s'aperçoit que visiblement il y a des gens qui bloquent tel type d'information et qui privilégient tel autre type d'information, que ce soit pour Kennedy d'ailleurs ou pour le 11 septembre. Mais pour le 11 septembre, c'est C'est assez flagrant. Et je pense que, pour être beaucoup plus clair, beaucoup d'organismes refusent d'explorer la piste israélienne. Et beaucoup de gens connaissent des tas de choses sur le 11 septembre, mais ignorent effectivement les histoires auxquelles vous faites allusion, les 200 agents israéliens arrêtés peu avant et peu après le 11 septembre, dont certains logeaient dans la ville d'Hollywood en Floride, où justement logeaient également les supposés terroristes de Al-Qaïda. Et puis, cette piste israélienne, elle a un niveau officiel, parce qu'on a entendu même à la télévision française que oui, c'est effectivement vrai, ces espions israéliens logés à côté des terroristes israéliens, des terroristes saoudiens, mais c'est parce qu'ils les surveillaient, et puis malheureusement, ils n'ont pas trop informé. Alors ça, c'est un second niveau de mensonge, hein, en quelque sorte, puisqu'il est très probable que, au contraire, les agents israéliens ne faisaient pas que surveiller ces Saoudiens, mais ils les ont manipulés et ils les ont éliminés, parce qu'évidemment, il fallait qu'ils soient morts et qu'ils aient disparu le 11 septembre. Quoi. Donc, il y a plusieurs lectures possibles. Mais il y a effectivement beaucoup d'éléments qui orientent les soupçons vers Israël. Et de toute manière, les néoconservateurs, lorsqu'on étudie bien qui ils sont, et vous l'avez fait, donc je pense que vous n'allez pas me contredire, ce sont des gens qui sont des crypto-sionistes, on pourrait dire, c'est-à-dire des gens, et tout le monde le sait aujourd'hui aux États-Unis, plus ou moins, hein, c'est-à-dire c'est des gens qui orientent la politique étrangère américaine dans l'intérêt d'Israël. Ce sont des gens qui souvent ont travaillé pour le gouvernement américain, mais aussi pour le gouvernement israélien, hein, ce sont des binationaux la plupart, qui par exemple ont encouragé la guerre en Irak en faisant croire aux armes de destruction massive de Saddam Hussein, alors que à Netanyahou, en Israël, ils écrivaient les mêmes signaient des rapports indiquant à Netanyahou qu'il fallait détruire l'Irak en premier parce que c'était le pays le plus faible et le moins armé. Donc on a très clairement un double jeu, un double discours de ces personnes. Oui, et vous si on parle d'Israël au sens livre. Large, si on parle d'Israël au sens large, Israël c'est quoi? À mon avis, Israël, c'est plusieurs choses, mais si on définit Israël comme la communauté de tous les gens qui se sentent éternellement attachés à Israël, on en a autant à New York qu'à Tel Aviv. Hein. Donc les néoconservateurs, je pense qu'il faut pas. Il y en a beaucoup plus, d'ailleurs, il y en a beaucoup plus aux États-Unis qu'en Israël. Pour être très clair. Les néoconservateurs, c'est Israël, d'une certaine manière. Donc quand on a compris ça, la piste israélienne, elle s'éclaire d'elle-même. Mais il y a beaucoup d'autres éléments également. Alors c'est effectivement un livre qui. Bon, qui est foisonnant, très dense, mais ça se lit agréablement. Hein. Mmh. Et je dirais, un des grands intérêts, bon, c'est que vous donnez les sources, évidemment, mais vous donnez énormément d'éléments récents. Il y a beaucoup de choses. Mmh. C'est, je dirais que par rapport le livre de Thierry Messan, bon, c'était, il a bien cerné quand même la question, mais c'était pas les balbutiements, mais enfin c'était le début. Ah, c'était les pionniers. Hein, voilà, les pionniers pourrait-on dire. Voilà. Les plus importants, mais moi je ne suis pas un pionnier, effectivement. J'arrive à la traîne et puis j'essaye de suivre et de mettre à jour, synthétiser voilà, les dernières recherches. Mais il faut rendre hommage aux pionniers qui, eux, ont risqué leur vie en rassemblant des. On leur doit tout. Hein, tout pour le 11 septembre, rendons hommage à Thierry Messan et à tous ceux qui, dès le départ, ont alerté l'opinion publique. Alors, une des difficultés, effectivement, bon, c'est toujours pareil, c'est de savoir raison garder et essayer de ne pas s'embarquer dans des théories délirantes qui discréditent le. Ouais. Il faut laisser les faits parler d'eux-mêmes. Voilà. Il faut réunir des faits, c'est ce que j'ai fait dans ce livre. Je réunis des faits, j'essaye de les organiser pour qu'on comprenne leurs liens, mais ce sont les faits qui parlent d'eux-mêmes. Le lecteur peut vérifier ces faits, est-ce qu'ils sont exacts? Moi, je les ai vérifiés, je donne les sources. Et une fois que les faits sont vérifiés, ils parlent d'eux-mêmes. Donc, c'est ça qui. On en est à ce stade, en tout cas, pour Kennedy. Les faits avérés sont suffisants pour que les conclusions s'imposent d'elles-mêmes. En tout cas, une partie des conclusions. On regrette un peu qu'il n'y ait pas un Snowden qui est sorti peut-être les centaines et milliers de documents relatifs à la préparation fait de l'affaire du 11 septembre. Ouais, hein. Ouais. Mais peut-être qu'il faudrait que ce soit un Israélien, c'est ça le problème, il faudrait que ce soit un Israélien peut-être, c'est eux qui à mon avis détiennent les clés de l'affaire. Et bien sûr au Pentagone il y a certainement des gens qui ont des choses à dire, à la CIA peut-être aussi. Mais alors qu'est-ce qu'ont été les... J'irais, bon... les conséquences de ce livre, Laurent Guyenneau, pour vous, aucune Je suis toujours vivant. Je sais pas, ça vous a donné des nouveaux contacts? Vous êtes brouillé avec des gens ou... Écoutez, moi j'ai écrit ce livre, je suis content qu'il soit publié, j'espère qu'il sera utile. Vous savez, quand on écrit un livre, après il ne vous appartient plus, donc j'ai écrit ce livre, je suis content de l'avoir fait, et maintenant je fais d'autres choses, mais non, ma vie n'a pas changé pour autant. Pendant 4 ans, c'est un sujet qui m'a beaucoup hanté, beaucoup travaillé, c'est très lourd, j'ai fini mon travail sur ce sujet-là en tout cas. Et non, rien n'a changé de particulier. Donc, je vous remercie, Laurent Guyenneau. Donc, je vous rappelle, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, que j'ai reçu pour cette émission de l'été Laurent Guyenneau, qui vient de signer aux éditions Blanche, c'est facile, Blanche, JFK, donc John Fitzgerald Kennedy, JFK en septembre, 50 ans de manipulation. Et donc, c'est un ouvrage évidemment boycotté par les grands médias, par la grande presse, etc. Mais qui a rencontré un très vif intérêt sur Internet. Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Il est très dense, très riche, bien écrit. Je le répète, avec des informations en provenance des États-Unis, qu'en général, comme on ne maîtrise pas totalement la langue, ou des difficultés pour récupérer les ouvrages, bon, vous avez fait un remarquable travail de synthèse. Donc, chers amis de Radio Courtoisie, nous allons nous retrouver donc dans 4 semaines pour une nouvelle émission. À bientôt. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la Résistance française dirigé par Emmanuel Ratier. Émission préenregistrée les 24 et 25 juin 2014. Elle est diffusée mercredi 20 août 2014 de 18h à 21h, jeudi 21 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.